Le lendemain, Fabrice supervise les fouilles d'un palais de Parme lorsque Giletti passe sur la route en voiture, accompagné de Marietta et son chaperon. Il s'arrête et défie Fabrice qui, pourtant blessé par le comédien, le tue d'un coup d'épée. Il s'enfuit alors dans la voiture de Marietta et pénètre en Autriche grâce au passeport qu'il a pris dans la vie de Giletti. Arrivé dans la ville de Casal Maggiore, il rencontre un ancien domestique de la Sanseverina, appelé Ludovic, à qui il demande de l'aide. Fabrice est alors amené en sécurité à Ferrare, où il s'aperçoit que ses blessures le font souffrir. De Ferrare, Fabrice est transporté à Bologne, où il entre accompagné de Ludovic. Il se rend à l'immense église de Saint-Pétrone et remercie Dieu d'être encore en vie, dans cet extrême attendrissement, en présence de l'immense bonté de Dieu. Fabrice reçoit des passeports envoyés par sa tante et apprend que le prince de Parme a ordonné à son ministre de la Justice, appelé Rassi, ennemi juré de Mosca, de traiter tout ce procès comme s'il se fût agi d'un libéral. Grâce à une lettre de l'archevêque Landriani, Fabrice comprend le danger de sa situation et reste tranquille à Bologne, où il rencontre Marietta. Il se mit à vivre à Bologne dans une joie et une sécurité profonde. Il vit avec Marietta, qu'il n'aime pas, mais avec qui il connaît un bonheur du même genre qu'il aurait pu trouver auprès de la duchesse. Il s'en veut de ne point connaître l'amour et cherche à vivre ce sentiment. Pour cela, il s'attache à séduire la célèbre cantatrice Fausta, qui est alors sous le charme d'un jeune comte installé à Bologne. Fabrice fait la cour à Fausta, croyant éprouver de l'amour, mais ne pouvant s'empêcher d'éprouver de l'ennui. Alors, Fabrice se sauva à Florence. Comme il s'était tenu caché à Bologne, ce fut à Florence seulement qu'il reçut toutes les lettres de reproche de la duchesse. Moins de 2 mois après, Fabrice osa revenir à Bologne, plus convaincu que jamais que sa destinée le condamnait à ne jamais connaître la partie noble et intellectuelle de l'amour. C'est ce qu'il se donna le plaisir d'expliquer fort au long à la duchesse. Il était bien las de sa vie solitaire et désirait passionnément alors retrouver les charmantes soirées qu'il passait entre le comte et sa tante. Il n'avait pas revu depuis eux les douceurs de la bonne compagnie. Je me suis tant ennuyé à propos de l'amour que je voulais me donner. Et de la Fausta, écrivait-il à la duchesse, que maintenant, son caprice me fût-il encore favorable, je ne ferais pas 20 lieues pour aller l'assommer de sa parole. Ainsi, ne crains pas, comme tu le dis, que j'aille jusqu'à Paris, où je vois qu'elle débute avec un succès fou. Je ferai tous les lieux possibles pour passer une soirée avec toi et avec ce comte, si bon pour ses amis.